Alors, je vous disais donc en introduction qu'on allait faire un retour sur ce sujet que nous avions couvert dans la partie anglaise de l'émission il y a quelques semaines. Donc, retour sur les îles Chagos. Pour ce faire, donc, j'ai le plaisir de recevoir à Mandla, mon collègue et ami, journaliste Junet Khan, que vous connaissez, journaliste retraité d'origine mauricienne, militant altermondialiste, on peut dire, écrivain également, auteur d'un livre qui a pour titre Un autre Maurice est possible, dont avec livre sur lequel je me suis entretenu avec lui dans un entretien que vous pouvez trouver donc dans l'édition de février dernier de la revue sociale et politique québécoise à Babord. Je vous invite à donc à vous le procurer si vous voulez en savoir davantage un peu sur les positions qu'il défend dans ce livre. Junet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mouloud, merci encore une fois de m'avoir invité. Ben, c'est un plaisir et un honneur pour nous de te recevoir. Donc tu as écrit un article en 2007 qui a pour titre Le retour des Chagossiens dans la revue Relations, duquel je vais m'inspirer notamment pour te poser quelques questions. Alors, donc, cet archipel, cet atoll des Chagos, situé dans l'océan Indien, atoll dont Maurice, dont tu es originaire, réclame la souveraineté, et qui a été cédé à bail, donc, qui est pour l'instant de juridiction britannique, donc, qui est possession britannique depuis 1965. On a donc appris dans l'actualité récemment que le premier ministre mauricien Navim Ramgoolam, est-ce que je prononce bien le nom ? Navim Ramgoolam. Navim Ramgoolam était à Londres pour s'entretenir avec son équivalent britannique, donc David Cameron, pour essayer de trouver une solution donc à cette question. Et malheureusement, les Britanniques demeurent intransigeants. Il est question d'aller devant la justice internationale. Mais peut-être avant d'arriver donc voir les enjeux politiques récents, juste nous donner un petit rappel historique, donc un préambule historique pour nous permettre un peu de saisir dans quel contexte historique donc les puissances impérialistes ont mis la main donc sur ce petit territoire qui appartient donc à Maurice. Donc ça remonte au 16e, 17e siècle. Ouais, très juste de faire ce recul parce qu'il est important de dresser la table pour comprendre vraiment l'enjeu. C'est sûr que, à partir du XVe siècle, c'est le colonialisme qui s'étend dans l'océan Indien, autour de l'Afrique, en allant vers l'Asie. Et tout le XVIe siècle a vu cet expansionnisme portugais, même au début, dans l'océan Indien. Ce qui explique d'ailleurs que l'archipel dont nous parlons, qui s'appelle les Chagos, c'est un nom d'origine portugaise, un archipel corallien pur, fait plusieurs dizaines d'îles, d'atolls, d'atolls coralliens, dont le plus important, c'est l'île de Diego Garcia, un autre nom d'origine portugaise. Tout à fait. Alors donc, de fil en aiguille, au cours des siècles, les îles sont passées aux mains des Hollandais, des Français et ensuite des Britanniques, tout comme Maurice. C'est-à-dire que Maurice même a fait partie de ces empires. Et Maurice était dans les années 60, jusque dans les années 60, une colonie britannique. Et dans les années 60, Maurice commençait à négocier son indépendance de la Grande-Bretagne. Et l'archipel des Chagos faisait partie de Maurice durant toute cette période, ayant passé sous le contrôle des Britanniques au début du 19e, pendant les guerres napoléoniennes 1810-1815. Et il y a eu une population installée sur ces îles qui faisait de la pêche, du poisson d'ailleurs qu'on salait pour pouvoir ensuite les exporter. Parce que quand on parle de 19e siècle, l'esclavage, par exemple, bat encore son plein à Maurice. Les Français avaient institué l'esclavage avec le Code Noir un siècle plus tôt. Quand les Britanniques prennent contrôle de l'île, ils n'abolissent pas l'esclavage. Au contraire, ils permettent aux propriétaires terriens, les Français, de garder leurs esclaves. Et ce n'est qu'en 1845-47 à peu près que l'esclavage va être aboli à Maurice. Et le poisson salé était une denrée alimentaire importante pour les esclaves. Donc les Chagossiens, donc, qu'on appelle aussi les Ilois, les habitants de l'archipel, pêchaient et salaient le poisson qui était ensuite distribué aux esclaves. Ils faisaient aussi de la culture de la noix de coco. Enfin, la noix de coco pousse très bien, mais ils récoltaient, ils exploitaient, surtout pour fabriquer des cordes qui étaient utilisées à cette époque, surtout sur les bateaux et dans d'autres activités, et pour fabriquer du copra à partir de la noix même de coco qui était donnée comme nourriture aux animaux. C'est juste pour rappeler qu'il y a une population qui était là déjà, active, travaillant sous contrat pour les industriels, et qui donc ont continué jusqu'au XXe siècle, qu'on appelait les Chagossiens. Alors justement, pour donner un petit peu un ordre de grandeur pour cette population donc, qui était affectée par cette occupation, on dit que cette population est largement catholique. La population chagossienne, elle est composée d'autour de combien de personnes à peu près? En 65-66, quand ils ont été expulsés des îles, ils étaient à peu près 2000. 2000, mais aujourd'hui... entre 2 et 3 000. Aujourd'hui, on les estime à 10 000 à peu près. Aujourd'hui, on les estime à plus de 10 000. Voilà. Et les populations donc, qui composent cet atoll sont d'origine africaine, asiatique et européenne. Il y a très métissées, surtout africaines et asiatiques, mais aussi des mélanges européens. Donc, tu dis dans un article donc, que tu as publié dans Relations, qu'il y a une population assimilée au créole mauricien, les descendants d'esclaves qui se trouvent au plus bas de l'échelle sociale à Maurice. C'est vrai. Tu peux élaborer un peu? C'est-à-dire que dans le système social qui a évolué dans un pays comme Maurice, à cause de l'esclavage, les descendants d'esclaves, qui étaient surtout d'origine africaine, mais il y en avait aussi d'origine malgache, d'origine asiatique, l'Indonésie, le Ceylan, même du sud de l'Inde. Donc méprisés par l'élite blanche. Bien sûr qu'ils étaient méprisés par l'élite blanche. Mais à l'abolition de l'esclavage en 1847-48, les Anglais, qui étaient à l'époque maîtres de Maurice et aussi maîtres de l'Asie du Sud, de l'Empire des Indes, ils ont décidé de remplacer les esclaves sur les plantations de canne à sucre par des laboureurs indiens, sous contrat, qu'on appelait les contractuels ou les coolies. Oui, tout à fait. Et éventuellement, avec le temps, il y a eu une explosion démographique chez la population d'origine indienne, depuis le début du XXe siècle. Et vers le milieu du XXe siècle, les Mauriciens d'origine indienne avaient dépassé les 50%. Et c'est durant cette période qu'on commence à parler d'élection générale, de suffrage universel. Ce qui veut dire que, de par la force du nombre, l'arithmétique électorale destinait le pouvoir politique dans un pays indépendant à la majorité d'origine indienne. Mais donc les descendants des esclaves, les créoles, sont restés toujours au bas de l'échelle. Les Indiens, les fils et les filles des coolies ont réussi à se hisser un peu grâce à l'appareil d'État et au pouvoir d'État. Mais les créoles, n'ayant jamais exercé le pouvoir d'État, ayant toujours été méprisés par les Blancs, les grands propriétaires, sont restés au bas de l'échelle. Dans ce sens-là que je le dis. Alors justement, pour ceux qui veulent en savoir davantage, je les renvoie à l'entretien qu'on a eu ensemble dans la revue à Babord, dans lequel tu reviens de façon plus exhaustive sur cette dimension-là. Alors justement, j'aimerais d'abord que tu ouvres sur l'historicité un peu de cette occupation britannique. L'archipel est depuis 1965 un territoire britannique, ce qu'on appelle le BIOT, le British Indian Ocean Territory, au statut de territoire d'outre-mer. Il a pris ce statut peu avant l'indépendance de l'île Maurice, à l'issue donc de l'achat du territoire par la Grande-Bretagne. Alors comment ça s'est fait? Quel type de pouvoir politique était commandé le destin de Maurice quand les Britanniques ont pris possession? Maurice était une colonie britannique. Voilà. Le propriétaire de Maurice était la Grande-Bretagne. Et le pays devient indépendant? Il devient indépendant en 68. Voilà, mais, 3 ans plus tard. Mais avant 68, il y a une négociation. C'est ça que je veux que tu nous expliques. Mais les responsables politiques mauriciens n'avaient pas les pleins pouvoirs pour négocier avec la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne qui avait le haut du pavé. Et dans les négociations, n'oublie pas que dans les années 60, il y a un repli des Britanniques à l'ouest de Suez. Et c'est en même temps la période où la guerre du Vietnam va prendre une ampleur nouvelle avec l'arrivée des Américains. Qui prennent la relève des Français. Mais, avec l'américanisation de la guerre. Donc, Il y a une expansion américaine vers l'Asie, vers même l'Asie de l'Est, et il y a un retrait britannique. Oui. Et c'est dans cette période donc, de transition que les Britanniques négocient avec les Américains, et les Américains jettent leur dévolu sur l'archipel des Chagos. Mais avant qu'on arrive donc à cette dimension géostratégique, l'axe Londres-Washington, j'aimerais que tu, juste pour que les auditeurs, les auditrices bien nous suivent, qu'est-ce qui advient de la population qui habite l'atoll au moment où les Britanniques en prennent possession? Ils sont... Les Britanniques... Ils sont exodés quelque part. Les Britanniques ont comme position qu'il n'y a pas de population. Voilà. Dans l'archipel. Ils considèrent les Chagossiens comme des travailleurs contractuels. Voilà. Et donc, ils n'ont pas vraiment une identité chagossienne. Et surtout que les Américains exigeaient comme condition pour louer ces îles pour en faire une base militaire qu'il n'y ait pas de population. Parce qu'ils ne voulaient pas de problème politique. Donc, la Grande-Bretagne a dit aux Américains, ne vous en faites pas, il n'y a pas de population. Et donc ça a été imposé aux Mauriciens qui n'étaient pas dans une situation de souveraineté pour négocier avec les Britanniques. Ils avaient le couteau sur la gorge. Disons que les dirigeants de l'époque auraient pu faire mieux s'ils étaient plus radicaux, s'ils étaient un peu plus militants au niveau du non-alignement, au niveau dans le cadre de la guerre froide. Oui, parce que des alternatives s'offraient à l'époque. Les alternatives étaient plus limitées, mais il y en avait quand même. Oui, tout à fait. Et ils auraient pu... s'arc-bouter sur des positions de principe. Par exemple, les Nations Unies voyaient venir le problème, et dès 1963, deux années avant que les Américains ne signent le bail avec les Britanniques, l'ONU a passé une résolution disant aux Britanniques qu'ils n'avaient pas le droit de séparer l'archipel des Chagos du territoire mauricien, que ce serait illégal. Ça fait partie du droit actuel touchant la question chagossienne. Alors justement, tu es un membre fondateur d'un parti politique d'opposition, Maurice, le MMM. Enfin, opposition à l'époque. Voilà, tout à fait. Par la suite, est devenu un parti, du sérail. Oui, qui est rentré dans les rangs. Et même du pouvoir. Alors, quelle a été la position, par exemple, d'un parti comme le MMM à l'époque par rapport au parti dominant à Maurice? Rappelle-moi donc le parti... Le parti travailliste. Le parti travailliste, qui est l'équivalent du parti du Congrès en Inde, qui est le plus grand parti nationaliste. Très juste. Tout à fait. Alors, rappelle-nous un peu quels étaient les... Est-ce qu'il y a eu une opposition à l'époque des partis qui avaient été déjà pour la décolonisation? À quel type de débat ça a donné lieu à Maurice, par exemple? La question chagossienne? Oui. C'est très intéressant, la question chagossienne n'a pas vraiment été débattue à Maurice. Ah ben, explique-nous pourquoi. La raison, c'est qu'on a eu... D'abord, Maurice est une île elle-même. Et l'identité mauricienne reste presque exclusivement focalisée sur le territoire de l'île Maurice, qui était l'ancienne île de France. Jusqu'à présent, d'ailleurs, moi, je m'efforce jusqu'à épuisement à dire aux Mauriciens et surtout aux dirigeants, aux ministres, aux élites, cessez de dire l'île Maurice. Parce que c'est une île parmi un ensemble d'îles. Dans un ensemble d'îles. Qui sont les autres, Rodrigue? Un territoire océanique qui occupe près de 2 millions de kilomètres carrés. Oui. Et il y a d'autres îles, il y a l'île de Rodrigue. À Galega. L'île de Rodrigue qui est à peu près 400 km et qui compte à peu près 50 000 habitants. Il y a les îles de Agalega, de Saint-Brandon, et puis l'archipel des Chagos, et aussi l'île de Tromelin. Tout ça recouvre un territoire maritime de près de 2 millions de kilomètres carrés en vertu. La Convention, sur le, droit convention sur le droit de la mer. De 83. Alors je dis aux Mauriciens, parlez de Maurice comme État archipel, État océanique. Cessez de dire l'île Maurice. À moins que vous vouliez parler uniquement de l'île principale, là vous dites île Maurice. Mais si vous parlez du pays, dites Maurice. Alors, on va arriver graduellement vers la dimension géostratégique, mais j'aimerais que tu reviennes sur un jugement rendu en 2007 par la Law Lords britannique. Alors, que disait ce jugement qui semblait donner donc raison? C'est la Cour d'appel de Londres qui a justement statué sur les abus donc, dans le dossier du pouvoir exécutif britannique. Il y a 5 ans, qu'en est-il de ce jugement? Rappelle-nous un peu les tenants et les abus. Je m'excuse, avant de venir à ça... Le plus intéressant, le verdict, le plus éloquent dans l'affaire des Chagos a été rendu en l'an 2000 par la Haute Cour de Londres, Ce sont des réfugiés chagossiens avec le soutien d'avocats volontaires bénévoles britanniques et des gens de la société civile qui avaient saisi la Haute Cour pour en débattre. Et la Haute Cour a statué que l'expulsion des chagossiens de leurs îles avait été illégale. En vertu de quoi ? En vertu de la Magna Carta, qui est le document de base, si on peut dire, des institutions britanniques. Selon, et la Cour a invoqué une clause de la Magna Carta qui dit qu'une autorité britannique n'a pas le droit d'expulser des citoyens britanniques qui habitent un territoire britannique. Et or, au moment de leur expulsion par la Grande-Bretagne, les Chagossiens étaient sujets britanniques et le territoire des Chagos était territoire britannique. Donc c'est ça que les gouvernements britanniques successifs, notamment c'était Tony Blair pendant la plupart, la majeure partie des années 2000-2010, qui ont cherché à contester. Et c'est alors que les Low Lords se sont prononcés. Ils ont réaffirmé le jugement de la Haute Cour et ils ont même réaffirmé le droit des Chagossiens de retourner, d'être rapatriés pour habiter dans leurs îles. Est-ce qu'un jugement comme celui-là à l'égard de l'île Chagos, justement, ne risque pas d'inspirer les Louisianais et les Acadiens, par exemple? Ça a déjà inspiré. Les Acadiens, notamment. Les Acadiens, bien sûr, parce que quand les Acadiens ont lu ce que j'avais écrit là-dessus, ils sont entrés en contact avec moi pour dire « mais nous étions dans la même situation. En 1755, nous sommes expulsés, qui à l'époque était territoire britannique, venait d'être conquis par les Anglais, et nous étions donc automatiquement sujet britannique, et nous avons été expulsés par une autorité britannique. Et je pense que ça a inspiré, je ne sais pas où ils en sont rendus jusqu'à présent, mais certainement ça a été un élément qui a relancé leur volonté de se battre. Voilà. Alors j'aimerais qu'on en vienne maintenant à la dimension géostratégique de ce territoire et de cet axe régional. On a parlé tout à l'heure de la solidité de l'axe Londres-Washington. Tu peux élaborer un petit peu là-dessus et l'importance justement de ce territoire de l'océan Indien, surtout pour l'expansionnisme militaire de l'OTAN notamment. Et qu'est-ce que ça revêt justement comme importance ? Il s'agit simplement de regarder une carte. Malheureusement, ici en Amérique du Nord et même en Europe, j'imagine, très souvent, nous avons des cartes qui sont tronquées d'une façon très eurocentrique. Exactement. L'océan Indien est presque marginalisé sur cette carte. Le méridien de Greenwich passe au milieu. On a l'Amérique. L'Eurasie est coupée en deux. Mais si on peut regarder une carte de l'océan Indien, et maintenant on peut le faire facilement par l'Internet, on s'aperçoit que l'archipel des Chagos est au cœur de l'océan Indien. Et à peu près à égale distance du détroit de Hormuz, de l'entrée de la mer Rouge, du canal de Mozambique, qui permet de contourner l'Afrique, du détroit de Malacca, qui permet de passer de l'océan Indien à l'océan Pacifique, et même de l'Australie. Alors justement, l'ordre... C'est la position même. Je pense qu'il y avait des bons lecteurs de cartes au Pentagone qui ont regardé tout ça et qui se sont dit, ben voilà ce qu'il nous faut. Et on ne veut pas de problème politique. Les Britanniques se sont arrangés pour se débarrasser de la population. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel est le commandement militaire qui est établi? C'est le CENTCOM. CENTCOM, c'est le commandement central. Voilà. Le CENTCOM, Central Command, c'est un commandement spécial qui a été créé et qui est basé surtout à Diego Garcia et aussi en partie au Qatar. Alors c'est de là que partent les drones, les bombardiers qui attaquent l'Irak, qui attaquent l'Afghanistan. Depuis 20 ans. Oui. Toutes les guerres que l'Empire mène, les États-Unis en tête, mais soutenus par beaucoup d'alliés de l'OTAN, la première guerre contre l'Irak, ensuite le maintien de la zone d'exclusion contre l'Irak pendant 10 ans, où plusieurs fois il y a eu des bombardements avec des missiles de croisière, etc. Ensuite, bien sûr, la guerre afghane en 2001. Et la deuxième guerre d'Irak, contre l'Irak, je ne parle pas ça la guerre d'Irak, c'est la guerre contre l'Irak, en 2003. Et maintenant, il y a même des bombardements au Yémen, au Pakistan, en Somalie. Mais vraiment, la base principale, c'est l'atoll de Diego Garcia, comme le disait, qui est l'île principale, et là où se trouve la base principale du Central Command. Et en plus, d'ailleurs, il y a une sorte de Guantanamo secret à Diego Garcia, où les Américains ont transféré beaucoup de suspects, soi-disant de leur guerre contre la terreur, dont on ne connaît ni les noms, l'identité, etc., parce que personne n'est admis sur l'île. Oui, tout à fait. Donc ça échappe à toute juridiction. Ça échappe à toute juridiction. Récemment, il y a eu pas mal de bruit en Angleterre, où des journaux commençaient à dire que les Britanniques sont complices. Oui, bien sûr. Puisqu'ils sont propriétaires. Il ne peut pas ne pas être responsable de ce qui se passe. Alors, tout ce qu'il était en train de nous dire semble confirmer cette phrase que tu aimes citer d'un amiral états-unien du 19e siècle qui s'appelle Alfred Thayer Mahan, qui disait, je le cite en te citant, « La puissance qui domine l'océan Indien contrôlera l'Asie et l'avenir du monde se jouera dans ses eaux. » Absolument. Alfred Mahan était un amiral et qui a écrit un livre classique qu'ils appellent l'influence de la puissance navale sur l'histoire, où il a d'ailleurs fait une étude très détaillée de la guerre des 7 ans, cette guerre qui a mené d'ailleurs à la perte du Canada par la France et la victoire des Anglais. La guerre des 7 ans se déroulait en Amérique du Nord et en Asie du Sud. Et c'est au bout de la même guerre que les Français également sont expulsés de l'Inde et les Anglais prennent le haut du pavé. Alors, dans le contexte actuel marqué et traversé par une mutation géopolitique, notamment avec l'ascension d'un pays comme la Chine, l'ascension d'un pays comme l'Inde, est-ce que les élites politiques mauriciennes dans leur ensemble semblent prendre acte de cette mutation géopolitique pour essayer d'infliger un petit peu la domination qu'exercent sur eux leurs partenaires traditionnels, non pas tant pour essayer de trouver des partenaires de substitution, mais en tout cas pour se donner des alliés complémentaires, pour essayer d'infléchir un petit peu le rapport de dépendance qui émane justement des rapports historiques coloniaux. Est-ce que, justement, cet ordre régional, est-ce que les Mauriciens, justement, assument un héritage qui est asiatique, centrafricain ? Qu'en est-il ? J'aimerais que tu élabores un peu là-dessus. Il commence à en prendre conscience. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je martèle ce thème, et il semblerait que, au bout du compte, avec la réalité internationale évoluant à la façon que l'on sait, et puis la montée de la Chine, la montée de l'Inde, la montée de l'Amérique latine, L'Afrique du Sud, depuis la chute de l'apartheid, et d'autre part, les problèmes, les complications de plus en plus difficile des Occidentaux, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Europe, pas juste l'économie, mais l'enlisement de l'Empire en Irak, en Afghanistan, une alliance comme l'OTAN, qui est l'alliance la plus puissante de l'histoire de l'humanité, n'est pas réussie après 11 années de guerre, avec des armes sans précédent, d'une puissance destructrice. À venir à bout de talibans en sandales. À venir à bout de talibans en sandales, à motocyclette et en turban. Non, je pense que, en soi, c'est un constat de la façon dont le monde est en train d'évoluer. Alors, il y a un peu de ça à Maurice, les intellectuels, la classe, les élites commencent à en prendre conscience, mais ils sont encore très timorés. Tu citais tout à l'heure la visite de Navim Ramgoolam à Londres, où il a rencontré David Cameron, à l'invitation de David Cameron, semble-t-il. Et on a fait grand bruit pour dire qu'il allait discuter des Chagos, etc., parce que Maurice a sa revendication sur les Chagos. Il faut dire que Maurice a mal engagé la question des Chagos dès les années 60 Et cette question des Chagos continue d'être mal engagée jusqu'à aujourd'hui, en 2012, où nous nous parlons. Parce que, à l'issue de sa rencontre avec Cameron, oui, Ramgoulam a dit et a fait dire à ses ministres et à ses ambassadeurs que ils ne veulent pas remettre en question l'utilisation des Chagos par les États-Unis pour les besoins de défense. Mmh. Au contraire. Mais ils sont prêts, eux, à collaborer avec les États-Unis pour que la défense, le système de défense se maintienne. Mmh. Mais ce qu'ils veulent, c'est que la Grande-Bretagne reconnaisse leur droit de propriété et que le territoire des Chagos relève de la souveraineté mauricienne. Voilà où ils en sont. Voilà où ils en sont. Oui. Alors que, à l'époque justement où l'équilibre mondial est en train de basculer en défaveur de l'Empire, je pense qu'il serait intéressant que le gouvernement de Maurice, le Premier ministre, nous avons les élites, commencent à réclamer, à parler au nom d'abord de l'Union africaine. Tout à fait. Au nom du traité de Pelindaba, qui est un traité qui lie les pays africains sur l'objectif de la dénucléarisation. Or, il faudrait que Maurice, en tant que membre de l'Union africaine, réclame que le territoire des Chagos soit dénucléarisé. Du moins, qu'il s'appuie sur ses assises solides et multinationales et qu'il cherche des appuis en dehors de l'Occident, pour établir des positions de principe, pour réclamer, pas seulement la propriété du pays, mais réclamer dans un esprit d'humanisme et d'universalisme et de responsabilité universaliste, et réclamer aussi les droits. Je trouve intéressant, par exemple, que l'Argentine, la question des îles Malouines est intéressante comme parallèle. On n'en a pas parlé, mais tu me permettras de dire deux mots là-dessus. Je t'en prie. Quand il y a eu l'occupation des Malouines par les Argentins, qui réclament la souveraineté sur les Malouines depuis longtemps. Qui a donné la guerre de 82. Et qui voit les Britanniques comme des étrangers, des envahisseurs, qui sont venus de très loin. Ce n'est pas dans leur voisinage occupé. Ils ont occupé les Falklands en anglais, Malouines, Malvinas en espagnol. Les Britanniques ont déclaré la guerre à l'Argentine. C'était sous Margaret Thatcher. Ouais. Alors, tu sais combien d'habitants il y avait à cette époque d'origine britannique dans les Malouines? Une centaine. 2000. Ouais. 2000. C'est à peu près autant qu'il y avait d'habitants de Chagossiens dans les îles Chagos. Ouais. Ok. Le parallèle est vraiment très intéressant au niveau de la géographie et de la politique humaine de la population. Oui, tout à fait. D'autant plus que les pays de l'hémisphère américain sont reliés à partir avec ce qu'on appelle un pacte de non-agression qui s'appelle le pacte de Rio, que les Argentins invoquaient à l'époque avec les pays de l'hémisphère américain pour dire que lorsqu'un pays de l'hémisphère américain est attaqué, tous les pays de l'hémisphère américain devaient lui venir en aide. Mais là, à l'époque déjà, le Chili depuis Pinochet s'y est opposé et les États-Unis se sont opposés en faisant prévaloir d'abord et avant tout l'appartenance à l'OTAN. Parce qu'à l'époque, nous parlons des années 80, l'Amérique latine était encore sous la botte de l'oncle Sam. Tout à fait. Or, aujourd'hui, nous sommes en présence d'une nouvelle Amérique latine. Ce qui est intéressant, c'est que quand la guerre des Malouines se déroulait, Harold Wilson, qui avait été Premier ministre de la Grande-Bretagne dans les années 60, c'est lui qui avait fait exciser les Chagos de Maurice et expulser les Chagossiens de leurs îles. Pendant la guerre des Malouines, il parcourait les États-Unis et il faisait des discours pour dire aux Américains « Vous devez nous soutenir parce que la cause des habitants des Malouines est juste. » Il dit « Les Malouins, les 2000 habitants, ont un droit sacré à l'autodétermination. » Incroyable. C'est le même Wilson qui n'avait jamais parlé de toute détermination pour les Chagossiens. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en 2012, l'Argentine a relancé ses revendications. À la faveur du dernier, la dernière rencontre de l'Organisation des États américains à Cartagène. Et l'Argentine jouit du soutien quasi unanime de toute l'Amérique latine, parce que c'est une nouvelle Amérique latine. Mmh. Et à mon avis, le gouvernement mauricien et les élites mauriciennes devraient prendre exemple sur l'Argentine face aux Malouines pour établir de nouvelles positions de principe pour réclamer. Parce que pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que Ram Ghulam dit à Cameron et à Obama. D'ailleurs, apparemment, il doit se rendre à Washington bientôt pour parler de la même chose. Il leur dit, ne vous en faites pas, je suis avec vous dans votre alliance militaire et de l'Empire. Tout ce que je veux, c'est que vous reconnaissiez mes droits de propriété. En dehors, donc une dernière question, en dehors du Premier ministre britannique qui intervient sur cette question, il y a quand même d'autres acteurs auxquels il faut rendre justice. Il y a notamment Olivier Bancou du groupe des réfugiés de Chago. Quels sont les autres acteurs de la société civile mauricienne qui interviennent sur ce dossier? J'aimerais que tu en dises quelques mots. Il y en a beaucoup, mais peut-être il y en a un en particulier. Il y a un parti politique de gauche qui s'appelle la LIT. Ça s'écrit L-A-L-I-T, mais ça vient de l'expression « la lutte des classes », parce que c'est un parti marxiste, qui ont toujours suivi une position cohérente de principe sur la question et qui a même organisé, au cours de l'année écoulée, une ou deux importantes conférences internationales sur cette question. Et ils sont là, ils soutiennent Bancou. Et Bancou, bien sûr, comme je le disais, a aussi le soutien d'avocats bénévoles en Grande-Bretagne même. Par contre, il y a une autre organisation qui est presque fantoche, qui a été suscitée et créée par les Britanniques et qui réclame la citoyenneté britannique. Qui ne veulent pas s'associer à Maurice. Et donc, là-dessus même, il y a une certaine fragilité. Le gouvernement de Maurice ne s'est jamais déclaré pleinement en faveur du combat des Chagossiens, n'a jamais considéré pleinement les Chagossiens comme des citoyens mauriciens à part entière. Alors il y a un degré d'aliénation et les Britanniques exploitent ce degré d'aliénation. Ouais. Ils ont accueilli plusieurs milliers de jeunes Chagossiens maintenant qui sont installés un peu partout en Grande-Bretagne. Et qui pourraient à certains moments demander la citoyenneté britannique, ou les Britanniques pourraient les leur offrir pour désamorcer la demande mauricienne, ou pour tenter de désamorcer. Il y a ce risque également. Alors voilà, pour ceux qui veulent en savoir davantage, donc tout le monde, je peux leur envoyer ce texte que tu as publié dans la revue Relations en septembre 2007, qui a pour titre Le retour des Chagossiens. Tu as de bonnes archives. Donc en googlant Junet Khan, Retour des Chagossiens, ça peut se trouver assez facilement. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qu'ils peuvent également se procurer ton livre. Donc un autre Maurice est possible. Pour ce faire, ils peuvent toujours nous appeler pendant une pause musicale. Et je leur dirai comment procéder au 514-448-4013. Voilà, merci infiniment, Junet Khan. Merci Mouloud, merci infiniment. Au nom de mes collègues d'Amandla, pour nous avoir aidé, donc finalement, à décrypter quelques-uns des enjeux sous-jacents, finalement. C'est important, et si je peux dire que les auditrices, auditeurs ne sont pas étrangers à ce combat. Il y a plusieurs façons d'y adhérer, d'exprimer leur soutien. Et il faut faire une recherche sur les Chagossiens, le groupe Réfugiés Chagos, Réfugiés Chagos sur l'Internet. Et on peut connecter avec eux. Il y a des organisations en Angleterre. Il y a des organisations en Suisse. Parce que c'est un enjeu qui est connexe à beaucoup de questions. Enjeu très contemporain, voilà, très contemporain, parce que ça va contre la militarisation, pour la protection de l'environnement et pour les droits humains fondamentaux de ces États. Je suis obligé de te couper parce que j'en suis en train d'empiéter sur le temps de mon collègue Moussa Keïta. Justement, alors, puisqu'on parle du militarisme, il va largement nous en parler parce qu'à la faveur de la couverture qu'il va faire de la crise malienne, on va voir notamment comment le bruit de botte des puissances de l'OTAN se déploie, notamment à la faveur de la crise au Mali. Donc, une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec la suite de la part. Et justement, Mouloud, sur ça, on va se laisser sur un peu de musique de l'île Maurice. Tu as trouvé ça, Roberto, toi? Oui, de Tifrère, peut-être Johnny peut dire. Ah, Tifrère, la musique Sega. de l'île Maurice. Oui, mais Petit Frère, c'est le doyen, c'est l'idole, c'est l'icône de la musique nationale mauricienne. Voilà, d'accord. Allons-y. Allons-y.